Bernard, je suis bien content, on s'est rencontrés, on a eu du fun, puis je comprends, puis je me sens bien, ça avance. Bon, ça c'est des lettres. J'ai mis au panier. Et je reçois d'autres lettres. Bernard, c'est bien dur, je souffre, je sais plus ce que je suis, c'est le vide, j'ai plus de job, papa. Je les lis, je suis content, j'ai mis au panier. Alors les deux lettres, je les mets au panier. Non pas parce que elles ne sont pas importantes pour vous, mais parce que vous devez vivre votre expérience vous-même. L'homme, et je le répète, l'homme ne peut pas se permettre de se décourager. Il peut être découragé. Si vous êtes découragé, c'est parfait, c'est normal. On a un certain plafond. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous décourager. Si vous vous découragez, c'est qu'il n'y a pas suffisamment en vous d'intelligence. Si vous êtes le moindrement intelligent, vous êtes capable de retourner dans votre passé et de voir que vous avez déjà passé énormément d'étapes dans votre vie et que encore aujourd'hui, vous fonctionnez. Si vous êtes le moindrement intelligent, vous êtes capable de commencer à réaliser que déjà vous commencez un petit peu plus à voir qu'est-ce que c'est la vie. Vous voyez le côté négatif de la vie avant, vous ne le voyez pas. Là, au moins, vous commencez à réaliser que la vie, c'est pas ce que vous pensiez, ce qu'on vous enseignait à petite école. Fait que déjà, c'est un acquis. Mais ce n'est pas parce que vous réalisez que la vie, c'est pas ce qu'on vous enseignait à petite école, que vous devez vous décourager. Au contraire. Si vous réalisez que la vie, c'est pas ce que vous avez appris à petite école, déjà, vous êtes avancé dans la compréhension de la vie. Puis en attendant, attendez! Vous n'avez pas de choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous plaignez maintenant que vous souffrez? Que les forces descendent dans leur temps, c'est votre sécurité. Mais il y a beaucoup de vos souffrances qui font partie de votre ignorance, puis qui font partie de vos illusions, qui font partie de votre insécurité, qui font partie de votre crainte. C'est subtil des illusions. Je vais vous en montrer une illusion. Il y en a une aujourd'hui qui cherche un job, c'est un journal. Elle cherche un job. Elle a de l'argent en banque. Elle se dit, bon, mais j'ai de l'argent en banque. Elle n'est pas sûre si elle devait chercher un job pendant qu'elle a de l'argent en banque ou vivre son argent en banque puis attendre qu'elle n'ait plus pour chercher un job. J'ai dit, pendant que tu as de l'argent en banque, cherche-toi un job. C'est pendant que tu as de l'argent en banque que tu cherches un job. Attends pas, mec, ton 6 000 $ soit dépensé, puis là, que tu sois prêt à gorge. Fait qu'au moins, tu peux chercher un job, tu n'es pas sous pression, tu as de l'argent en banque. Tu fais des mouvements, d'un coup, tu trouves un job. Mais c'est tellement facile pour nous autres de rationaliser et de mal voir. On voit mal. Puis c'est pas de notre faute. Parce que ça a du bon sens. Si t'as de l'argent en banque, pourquoi tu te casserais le cul pour un job? Ça a du bon sens. C'est logique. C'est logique, mais c'est pas intelligent. Tu vois-tu la différence? C'est logique. Si t'as de l'argent en banque, pourquoi tu te trouves un job? C'est logique. Mais c'est pas intelligent. Puis y a rien de plus dangereux que la logique. C'est la logique qui va vous faire souffrir dans la vie. Parce que la logique, ça se tient. C'est ça qu'on appelle la logique. La logique, c'est des choses qui se tiennent. Mais c'est pas intelligent, la logique. Mais ça se tient. C'est raisonnable. Ça se raisonne. Ça se parlemente, la logique. Mais ça vaut rien de la logique. Ça vaut absolument rien, la logique. Ça n'a rien à faire avec l'intelligence, la logique. Puis il y en a qui l'ont maudit, la logique, puis ils pensent que c'est de l'intelligence. Ça n'a rien à faire avec l'intelligence, la logique. On n'a pas d'intelligence. On en développe lentement. Ça rentre. L'intelligence, ça vient qu'après le choc de souffrance. Vous n'aurez jamais d'intelligence sans souffrance. Ça, je vous le garantis. C'est impossible. Vous aurez de la logique. Mais vous n'aurez jamais d'intelligence sans souffrance. C'est impossible. C'est absolument impossible qu'un homme devienne intelligent sans souffrance. Écrivez-vous, vous voulez, dans le front. Si vous souffrez, c'est normal. Mais organisez-vous pour souffrir le moins possible. Et vous êtes capable, il y en a beaucoup parmi vous qui sont capables de s'organiser pour souffrir le moins possible. Si vous êtes assez intelligent pour réaliser une fois pour toutes, contre tous les enseignements spirituels, que c'est le matériel qui sera le plus important pour vous demain, quand le mental aura été ajusté, vous comprendrez quelque chose. Parce que quand tu travailles, puis tu as un petit salaire à la fin de la semaine, c'est pas pareil comme quand tu travailles pas, puis tu as des crottes à la fin de la semaine. Pas pareil. Fait que déjà, tu es plus avancé. Faites attention à la logique. Parce que la logique, c'est justement le mécanisme dont se servent les intelligences sur le plan astral pour vous induire en erreur. La logique sert à rendre l'homme dans l'erreur. Ça, je vais parler de ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'homme a développé une science telle que nous la connaissons? Pourquoi est-ce que l'homme a progressé tel que nous le connaissons? Parce que sa logique est devenue de plus en plus perfectionnée. C'est la logique, c'est l'intelligence astrale de l'homme. La logique, c'est l'intelligence de la domination dans l'homme. Et l'homme trouve extrêmement difficile de voir la différence entre la logique et l'intelligence. Et aussitôt qu'il a l'impression de l'intelligence, qu'il a la vibration de l'intelligence, au début, quand il n'est pas habitué, il ne trouve pas ça logique. C'est quand il est habitué à la manifestation de l'intelligence, comment est-ce que ça fonctionne, l'intelligence? Qui s'aperçoit que c'est intelligent. Je vais vous dire une chose. Tant que vous serez capable, dans votre mental, de dire que c'est logique, vous ne serez pas dans l'intelligence. C'est impossible, quand on est dans l'intelligence, d'employer le terme logique. Ça vous montre jusqu'à quel point c'est logique de l'intelligence. Tant je vous mesurerai à la parole, je vous mesurerai aux mots dont vous vous servez pour parler et vous expliquer. Ça va très loin, l'intelligence. Ça va tellement loin qu'à un certain moment, l'homme n'est plus capable d'employer le terme logique. Je vais vous transmettre ce qu'ils me disent au niveau de la logique. Écoutez bien ça. Ce que vous appelez la logique dans votre monde est une condition qui a été imposée à l'esprit de l'homme pour lui permettre de réaliser qu'il est homme et qu'il peut organiser son monde matériel selon des lois qui conviennent à ses sens. La logique est la façon dont se servent les intelligences sur les plans inférieurs pour calquer dans le mental et dans l'émotion de l'homme une mémoire, afin que cette mémoire serve pour eux dans leur monde, à créer des modèles d'évolution éventuelle pour l'incarnation de l'homme. L'homme n'a pas besoin de logique, parce que la logique n'est pas de l'esprit de l'homme. La logique fait partie de l'anti-esprit de l'homme. La logique est la manifestation positive du mal sur la terre. La logique est la caricature de l'intelligence. Et la logique est tellement perfectionnée que les hommes ont tombé dans le piège de la logique, et c'est pourquoi vous avez sur votre globe de plus en plus de sciences, de scientistes qui travaillent logiquement à former, à créer, à inventer des armes qui sont de plus en plus perfectionnées. La logique, elle est destructive parce que la logique n'est pas une condition de l'esprit de l'homme. La logique est une condition de l'esprit de l'anti-homme, et l'anti-homme sont les personnalités qui évoluent dans des mondes qui vous sont aujourd'hui invisibles. L'homme doit perdre l'intention de la logique. L'homme doit perdre l'attitude qu'il a envers la logique. Et l'homme ne peut perdre cette attitude que lorsque nous pénétrons dans son mental et que nous altérons sa logique. Et la façon pour nous d'altérer la logique de l'homme, c'est de lui faire perdre sa mémoire. Lorsque l'homme a perdu la mémoire, il perd la logique parce qu'il y a une relation très étroite entre la mémoire et la logique. La logique sert les forces qui sont anti-homme et la mémoire sert les forces qui sont anti-homme. Et les forces qui sont anti-homme sont des forces qui dépassent de beaucoup l'imagination que peut se faire l'homme de la réalité. N'oubliez pas que vous êtes, avec vos esprits, emmagasinés, enveloppés, emprisonnés dans une structure charnelle, et que cette structure charnelle, à cause de vos sens, à cause de votre système nerveux, ne vous permet pas de voir la réalité de votre esprit. Et comme vous n'êtes pas capable de voir la réalité de votre esprit, vous êtes obligé d'en subir les conséquences affectées par les forces anti-hommes qui agissent sur le plan de votre mental et de votre émotif. Ne vous fiez jamais à votre logique. Apprenez à découvrir votre intelligence. Apprenez à reconnaître votre intelligence. Et vous apprendrez à reconnaître votre intelligence au fur et à mesure que vous enlèverez de l'émotion dans votre pensée, parce que c'est l'émotion dans la pensée qui crée chez l'homme la soif de la logique, et c'est la pensée dans l'émotion qui crée chez l'homme le mécanisme de la logique. La logique est un outil de l'évolution. Il sera totalement détruit au cours de l'évolution. C'est pourquoi les hommes seront éventuellement capables de manipuler les forces de l'esprit, de la matière, de la plante, de l'animal, et pourront organiser des formes d'énergie qui seront nouvelles sur la Terre. Ne vous habituez plus à vous-même. Déshabituez-vous à vous-même, parce que ce que vous êtes dans l'avenir, ce n'est pas ce que vous avez été dans le passé. L'homme n'a pas besoin de logique. Il a l'impression d'en avoir de besoin parce qu'il a fondé sa vie, il a fondé ses désirs, il a fondé l'organisation matérielle de sa vie sur un plan d'exécution qui convient à ses appétits sur le plan émotionnel et mental. Lorsque l'homme aura secoué, se sera libéré de ses appétits. Lorsque l'homme se sera libéré de l'effet de son mental sur son émotionnel et vice-versa, il n'aura plus besoin de logique. Il sera simplement intelligent et il réalisera la simplicité de l'intelligence. Et l'intelligence, elle est tellement simple, qu'elle est difficile à saisir lorsque l'homme est trop logique. C'est la simplicité de l'intelligence qui lui donne sa force. C'est la simplicité dans l'intelligence qui permet à l'homme de voir au-delà de la logique. C'est la simplicité dans l'intelligence qui est le seul recours de l'homme. C'est la simplicité dans l'intelligence qui permet que nous ayons un contact entre l'homme et nous-mêmes, permettant éventuellement que se crée, que se condense sur votre planète un éther supérieur qui permettra plus tard à recevoir d'autres êtres, d'autres hommes qui auront finalement atteint un stage de finalité dans la course à la conscience de l'énergie. Parce que dans le cosmos, il existe des races qui courent à la conscience de l'énergie. Ce que nous appelons ces races qui courent à la conscience de l'énergie, ce sont des races qui veulent comprendre le plus possible les lois de l'énergie afin de percevoir et de pouvoir perfectionner le domaine de leur évolution. Nous vous assurons que l'homme n'a pas à courir à la conscience de l'énergie. Nous sommes en lui, nous pénétrons sa conscience atomique et nous pourrons éventuellement élever le règne humain au règne du surhomme. Mais nous devons vous rappeler que la condition de l'homme, telle qu'elle sera demain, doit totalement exclure la condition de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui. Regardez l'homme qui est devant vous, regardez l'homme qui vous parle, regardez le canal. Ce canal est totalement à notre disposition. Nous avons sur lui un pouvoir total. Nous avons sur lui un pouvoir qui est tellement grand que si vous viviez ce pouvoir, vous seriez totalement abasourdi parce que votre esprit, vos émotions, votre intelligence sont incapables de réaliser la fusion. Vos intelligences sont incapables d'absorber notre réalité. Vos intelligences sont incapables de se dissocier de l'aspect psychologique d'elle-même afin de pouvoir entrer dans l'intelligence qui nous sommes et de pouvoir vivre de l'intelligence que nous sommes et de pouvoir vous servir de l'intelligence que nous sommes afin que demain, vous puissiez vivre de l'énergie que nous sommes. Et lorsque l'intelligence et l'énergie sera réunies dans l'homme, l'homme ne sera plus sur la terre, il n'y aura qu'un homme supérieur. Nous vous invitons à comprendre et à L'impression qu'on a quand on souffre, surtout quand on souffre difficilement, c'est une impression qui nous étouffe sur le plan émotionnel. Et lorsque nous vivons cet étouffement, lorsque nous vivons ce mur, ce vide, nous devons faire confiance à nous-mêmes. Chaque personne qui souffre dans l'évolution doit être capable de se faire confiance à elle-même. Même si vous utilisez les mécanismes psychologiques de votre pensée pour vous faire confiance à vous-même, au moins, utilisez ces mécanismes. Mais si d'autres mécanismes entrent dans votre esprit pour diluer cette confiance en vous-même, réalisez au moins sur le champ que ce sont ces forces de l'évolution qui essaient constamment de vous faire prendre part à leur réalité. L'intelligence, les êtres de lumière qui font partie de l'homme, qui lui donnent son intelligence, ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles font dans un certain temps. Alors, s'il y a en vous de la négativité mentale avec ce que vous savez, vous êtes suffisamment capable et apte de nier cette négativité mentale, de réaliser que c'est un jeu qui vous est imposé, et à ce moment-là, vous vous dissociez de votre moi, même si ça continue et ça continue et ça continue à vous traumatiser, vous êtes capable de vous libérer de votre moi pour graduellement entrer dans la confiance de vous-même. Ce n'est pas parce que vous recevez de l'information négative dans votre mental, de l'information qui est anti-homme, ou anti-vie, ou anti-vous, ou anti-réalité, que vous n'êtes pas capable de saisir l'autre bout de vous-même, qui est la vibration en vous-même, qui est la petite mémoire en vous-même, qui est le petit sentiment en vous-même, qui vous fait et qui vous permet de réaliser que ce qui se passe, c'est temporaire, ça fait partie du travail sur vos corps, et que c'est nécessaire, et que c'est bon. Maintenant que nous possédons les outils pour comprendre, pour décortiquer le réel de l'homme, si nous n'avions pas d'outils pour décortiquer le réel de l'homme, vous seriez obligé d'aller vers les voies spirituelles. Dans les voies spirituelles, vous seriez capable de maintenir un certain calme spirituel. Mais ce n'est pas ce calme spirituel qui vous donnerait capacité de vivre votre vie selon les lois de la vie. Mais il vous donnerait la capacité de vivre votre vie selon les lois de l'évolution. Alors, si vous souffrez, c'est normal. Et apprenez à ne pas vous décourager. Et apprenez à ne pas mélanger de l'intelligence avec de la logique. C'est pas pareil. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez réaliser la différence entre l'intelligence et la logique. Et c'est très important pour l'homme de voir cette différence. Le mouvement de l'intelligence dans l'homme, il n'est jamais facile. Le mouvement de la logique dans l'homme, il est toujours facile. Le seul temps dans l'homme où le mouvement de l'intelligence devient facile, c'est quand l'homme est de plus en plus fusionné. À ce moment-là, toutes les conditions de la descente de l'intelligence en lui sont faciles. Parce que tout est intelligent. Mais tant que l'homme est pris entre la logique et l'intelligence, il ira vers la logique au lieu d'aller vers l'intelligence, et c'est là que l'homme fait de faux pas. L'homme aura toujours tendance à prendre le logique au lieu de l'intelligent. Et l'intelligent n'est pas aussi facile que le logique. Le logique fait plaisir à l'homme, il fait plaisir à l'ego, il fait plaisir au mental. L'intelligent ne fait pas plaisir à l'homme. L'intelligent nettoie, transforme, transmute le mental et l'émotionnel de l'homme. L'intelligent travaille toujours. la logique se manifeste pour plaire à l'intellect et pour plaire à l'émotionnel. Faites attention à la logique. Vous découvrirez dans le temps, lorsque vous aurez perdu votre mémoire, que l'homme ne peut pas être bien dans sa peau s'il est logique. Prends un petit break. Dans la série 8 des cassettes, j'ai fait une bobine sur la mort. J'ai voulu expliquer la mort d'une façon scientifique, c'est-à-dire d'une façon réelle, pour que les gens se dissocient psychologiquement de la valeur astrale de la mort, pour que les gens se dissocient psychologiquement de la valeur existentielle de la mort, pour que les gens se dissocient psychologiquement de la mort, pour que les gens se dissocient de plus en plus de la mort. Ce que j'ai fait, c'est pas. Je ne l'ai pas fait pour philosophiser sur la mort. Ça ne m'intéresse pas. Mais je l'ai fait pour que le mental de l'homme, le mental qui s'éveille chez l'homme, puisse être forcé d'accepter psychologiquement la possibilité de la survie du corps matériel. Autrement dit, ça fait partie de mon travail de toujours pousser les limites de la conscience humaine, de pousser les limites de la raison, de pousser les limites de l'émotion, pour que s'engendre dans l'homme de plus en plus d'énergie. Cette explication de la mort est suffisamment simple en mots et suffisamment concise pour qu'elle puisse être perçue intelligemment. Vous comprendrez un jour que les hommes doivent tout comprendre. On doit tout comprendre si tout doit être bousculé en soi. Alors, pour que nous puissions, les hommes, bousculer tout en soi, c'est-à-dire transformer tout en soi qui a créé notre passé, nous sommes obligés de tout comprendre. Et comme nous avons maintenant accès à l'intelligence, il est très facile pour nous de tout comprendre. L'homme ne peut plus vivre avec des visières. Tout doit être très clair dans notre cerveau, parce que notre cerveau est un lieu matériel, un point dans l'espace qui doit servir à la pénétration des énergies de l'intelligence universelle. Alors, tout doit être très clair chez nous, très net. L'homme doit être capable d'en arriver à comprendre toutes les manifestations de la vie en lui, et aussi de comprendre tous les aspects de la mort qui empêchent la réalisation sur le globe terrestre ou sur le globe éthérique de la vie telle qu'elle est. La mort, c'est un peu comme un abat-jour sur une lumière. Tant que l'homme ne saisit pas parfaitement ce que c'est, ne comprend pas parfaitement ce que c'est, son intelligence est brouillée un peu par l'abat-jour. La lumière ne passe pas d'une façon claire. C'est très important pour l'homme, surtout l'homme occidental, de comprendre la mort parce que l'homme occidental a énormément d'émotions rattachées à cette expérience. Notre esprit doit être comme une carte blanche. Rien d'écrit dessus. Alors, ce que je fais pour dans le cadre des activités des hommes, je le ferai plus tard dans le cadre des activités des femmes. Je dois progresser ou aller par progression. Les gens doivent se conscientiser avant de pouvoir vivre de leur créativité, de leur intelligence, de leur conscience. Et tant que les hommes ne pourront pas vivre de leur créativité, de leur conscience, un plan tel que celui-ci est impossible. Parce que un plan tel que celui-ci ne peut pas être façonné ou réalisé si l'ego bloque. Il faut que l'homme soit dans son intelligence, et à ce moment-là, le plan est très facile et autant puissant dans sa manifestation. Plus les années vont passer, plus vous allez vous apercevoir que le plan va se développer. Et le plan de l'intelligence supramentale sur la Terre est très vaste, il est très occulte, dans ce sens qu'il y a des dimensions de ce plan que je ne peux pas parler tout de suite, mais il est très occulte et il y a des dimensions de ce plan qui ne seront réalisées par l'homme qu'au fur et à mesure qu'il entrera dans son intelligence et que ses vibrations seront suffisamment avancées sur le plan vibratoire pour qu'il puisse vivre de cette intelligence et non plus vivre de l'intellect de son ego. Et c'est pourquoi l'homme, éventuellement, aura une sécurité matérielle parfaite, quelles que soient les conditions de la vie planétaire. Mais le plan est un plan à longue échelle, et tout se fait dans un temps quelconque, et on ne peut pas aller plus vite que le temps. Je veux dépersonnaliser un peu pour expliquer comment les intelligences nous voient, comment la lumière voit l'homme, et en voyant l'homme à travers l'optique de l'universel, ça permet à l'homme de s'universaliser de plus en plus. J'ai l'impression que dans les mois qui vont venir, je vais avoir de plus en plus tendance à dépersonnaliser parce que ça me permet de parler d'une façon que je ne peux pas le faire quand je suis personnalisé.